Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 8 au 14 octobre 2012. Je m'appelle Mathieu Plante et je suis seul cette semaine. Alexandra Carignan est, comme on appelle dans le domaine, en reportage à l'extérieur. Alors, enfin, elle va revenir la semaine prochaine parmi nous, c'est certain. Donc, à l'émission d'aujourd'hui, on va voir plein de bonnes choses, dont les instants classiques d'assemblage requis. C'est inévitable. On espère ne pas les avoir et ils sont là quand même. On a aussi la section ailleurs dans les palmarès. Et on va voir quelques nouvelles entrées, entre autres Amélie. On a aussi Patrick Watson et Anna Georges. On va commencer avec Fanny Bloom dans quelques secondes. Le temps de vous dire que la semaine passée, les numéros 1 étaient Noem en francophone avec Mon Espace sur l'album Petites Apocalypses. Alors qu'en anglo, c'était Youth Without Youth de Metric sur l'album Synthetica qui est là depuis 10 semaines en fait. Donc Metric, ça réussit pas mal dans le palmarès. Je dirais que c'est un succès. Donc allons-y tout de suite avec la première position. C'est du côté francophone. Elle est toute nouvelle. C'est un nouvel extrait de Fanny Bloom. Voici 1000 pertuis au 89.1 FM. Yeah. de tes oiseaux. Numéro 19. Nouvelle entrée. Put your words into the fire. Watch them burn your heart's desires. Rise up in the air. Cloud of silk and smoke and dust fade into the night. It's a comforting feeling with you by my side. Let me shake your honest hand. Take it all of your time. Patrick Watson et Words in the Fire, position numéro 19 anglophone. Nouvelle entrée de l'album Adventures in Your Own Backyard. Avant ça, on a entendu Amélie avec La Fête sur l'album Le Royaume. Avant ça, on a entendu les 20e places Anna Georges et Robotic, ainsi que Fanny Bloom avec Mille Pertuis. Mes commentaires, d'habitude, je les partage avec Alexandra. Là, je les partage juste à vous, les privilégiés. Tu sais, les palmarès c'est fou, comme on appelle dans le domaine. Pour ceux qui ne savent pas encore, les gens qui écoutent les palmarès c'est fou, c'est des palmiers. Palmarès c'est fou, c'est un jeu de mots. Donc, mes commentaires. Amélie, j'ai bien aimé. C'est pas tout à fait mon genre de musique, mais j'aime bien quand même. Fanny Bloom, c'était pas la première fois que j'entendais Mille Pertuis. J'adore Fanny Bloom et cette pièce-là est une de mes préférées. Patrick Watson, c'était immanquable, hein? Génial comme toujours. Et Hannah Georges, que j'avais jamais entendue. J'ai très hâte de la réentendre, cette pièce-là. Je pense que ça va monter assez rapidement, Robotic. On va y aller avec les 18e places. Vous voyez comment je parle. Quand je parle tout seul, je dis pas grand-chose finalement. Alexandra a amené des commentaires beaucoup plus pertinents que moi sur ces nouvelles entrées-là. Mais bon. 18e place en anglo, c'est Will Driving West avec Painkillers qui est là depuis 5 semaines. Ça descend de 3 places après avoir pas monté ben. C'est comme ça reste dans les bas-fonds des palmarès malheureusement. Alors que du côté franco, ça descend aussi de 10 places cette fois-ci. C'est l'extrait Taché de Pandaléon que voici tout de suite au palmarès. C'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Hein? Ça a l'air fancy, c'est comme ça. Offrir. Le pantalon le plus taché de toute l'histoire de l'art. Visage souillé de fusain noir. Pinceau rempli d'espoir. Les pinceaux qui décollent, qui guident de longs doigts, mais les brûle à la fois. We'll be right back. running down your throat. Swallow a bowling ball, mouthful of 6-inch nails. This pain inside your head is killing me. This pain inside your head is killing me. I won't be the one to say that time heals everything. Well, I know it's true. Well, you wouldn't want me to, though I've been there 1,000 times before. C'était Will Driving West et Painkillers qui descendent de 3 places en 18e position anglophone. Avant ça, on a entendu Pandaléon et la pièce Taché qui descend de 10 places. Si vous n'avez pas reconnu ou n'avez pas reconnu, si vous voulez faire votre négatif comme faux, vous n'avez pas maintenant, parlez comme faux, c'est que la chanson est différente. C'est une autre version de cette pièce de Pandaléon. J'aime mieux cette version-là parce qu'elle sonne beaucoup mieux par rapport à l'autre qui était genre une version un petit peu genre pré-release, comme on dirait dans le domaine. Allons-y avec les positions numéro 17 du côté anglophone. Ce sera Hellsongs avec Sin City. Non, on ne sautera pas par-dessus Hellsongs. C'est rare qu'on la fait jouer. Parce qu'elle est là depuis 8 semaines et des fois on saute par-dessus quelques affaires. Mais comme je suis seul aujourd'hui, je me permets de passer la plupart des pièces. Alors, on va débuter par contre avec une autre habitude d'être sauté. Il n'y a rien de sexuel là-dedans. C'est juste on est habitué de la sauter. Lisa Leblanc avec Kraft Dinner qui monte de la 20e place. Elle était nouvelle la semaine passée. On lui laisse encore une bonne chance. Lisa Leblanc, plusieurs l'adorent. Tu vois comment je m'inclus pas là-dedans. T'sais? Plusieurs là-dedans. Avec Kraft Dinner, c'est la pièce qu'on s'en va entendre. Et après ça, plus tard, restez là parce qu'on va voir les instants classiques d'assemblage requis. Ça, c'est à ne pas manquer. On abuse des fois du terme à ne pas manquer. Mais. C'est vrai. Faudrait pas dire ça à personne, mais j'aimerais ça t'écrire des poèmes avec des beaux mots qu'on comprend pas, ni un ni l'autre.

the snakes they take. Rich man, poor man, the beggar man and the thief. Ain't got a hope in hell, that's my belief. Finger Freddy and I'm a jail. Getting ready, look out, I'm coming in. So spin the wheel, cut the pack and roll those loaded dice. Bring on the dancing boys and put the champagne on ice. I'm going in. The Hellsong sur l'album Long Live Lounge, live with members of the Gothenburg Symphony Orchestra. Avant entendu, Lisa Leblanc et Kraft Dinner, position numéro 17 qui monte de 3 places. Tout à l'heure, on aura Ariel Moffat, Galaxy, Gaslight Anthem et The Loudies. Mais avant ça, au palmarès, c'est fou, c'est les instants classiques. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 8 octobre 2012. Maxime Tanguay se fait aller les bras un peu comme, tu sais, les trucs gonflables devant les concessionnaires de voitures. Hey boy. Donc, oui, c'est pas un compliment. Non? Non, pas de, non, mais écoute, j'ai jamais prétendu être un bon danseur. Hein, moi non plus. Mais t'es un excellent vendeur de char. Donc, ah on va oui? te demander de dire le nom de ta chronique en tant que vendeur de concessionnaire de voitures usagées. Okay? Oh, tabarouette. Hey, c'est quoi ce band-là? Hanokendi. La terre a tremblé hier. C'est vrai, j'ai... Hier ou ce matin, je sais pas exactement vers quelle heure, minuit et quelques... Faudrait aller voir sur Facebook l'agglomération des commentaires sur la terre qui tremble. Hein. Ça sert à ça en 2012. Hein. C'est tout le monde là, même pas pratique, sur Facebook quand la terre tremble. T'sais. C'est con parce que si tu l'as pas senti comme moi, en fait, je dormais et je dors dur. Donc, en fait, oublie ça. Là, pareillement. Il y a rien pour me réveiller. Bref, c'est passé. C'est quand même une chose assez rare. Ben, là, c'est ici. Ça l'affaire. C'est ça, sur Facebook, c'est si tu le savais pas, ben ça te dérange pas même parce que tu l'as pas senti. Puis si tu le sais, ben tu le sais déjà, fait que t'as pas besoin de te le faire dire. Ah, c'est ça. C'est un peu ça. Bravo. Ben allez voir la vidéo, rien que parce que la fille est vraiment cute. Ah ouais? Retour, la chronique sur la culture sportive avec Maxime Bilodeau. Je suis sûr qu'il va nous apporter un paquet d'abonpoints, de bons points. Il n'en manque pas une, Faut pas manquer ça, hein? Je cherche un jeu de mots, il n'y en a pas à faire. Faut pas manquer des plus, mais il n'y en aura pas plus que ça. Non. T'as pas dessus, c'est. Ouais. Étirement de bras, craquage de cou, bon matin. Bienvenue à Assemblage Record ce jeudi 11 octobre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François Olivier. On est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières. Et ce matin, il faut se pomper un peu parce qu'on a un plan rempli. J'aime pas vraiment cette expression-là, Mathieu. Non? Ah, pourtant. Faut se pomper ce matin. Oh, OK. Ah, ouais. Le temps de culture, là, c'est évidemment une chronique sur les arts et spectacles culture. Bon, oh, exact. C'est pas une chronique sur la culture dans les yogourts, là, mettons? Non, la culture probiotique. Ben, c'est ce que j'ai pensé. On pensait à des noms de chroniques. Là, on a pensé à culture probiotique. Ouais. Pas vraiment. Bon, j'en avais des pas mal meilleurs que ça. Mais pro, ça cadre bien. Oui. Pour sa chronique. Ouais, elle est très pro. Bed of Skulls, you're not pretty, but you got going on. But you didn't get going on. Tu l'avais bien, on dirait que c'était fast-forwardé ton affaire. Ça avait l'air vrai. Donc maintenant, parlons de choses qui ont l'air vraies. Oui. Dans le pantalon. Voici, c'est un fake kinky sexy time edition. Un 5 à 7 tapas. Ça va se dérouler à l'Auberge internationale Radisson. Super, mais donc on va parler tout le long de l'émission. T'as pas idée comment on va parler tout le long des tapas? T'as pas idée. Assemblage requis. Assembly required. Hein? Some assembly required. Oh. C'est le nom d'émission en anglais dans un univers parallèle. Ok. C'est comme les palmarès, c'est fou, c'est le crazy countdown. Merci, oui, c'est un espace vert. C'est le poumon, l'UQTR dans ma tête. Dans quelques minutes, on revient avec notre ami Alexandra Carignan qui va nous faire sa superbe chronique à un spectacle, Le temps d'une culture. Le temps d'une culture. Non, je chante pas dans ma tête. Là. Carine, j'étais sûr que c'était pas pire. À jeudi prochain, 8h30. Ouais. Pour l'Holocratie 101. Oh, super. Ouais. Moi, je te charge rien, même pas de taxes pour ça. Ben, c'est gratuit, c'est gratuit. Les chroniqueurs pourraient nous payer. Ben. Nouveau concept. Ben, écoute. Je vais sortir mes casseroles. Devant la porte. On se quitte avec la chronique de régisseurie numéro 2 de Sadako. Oui, Sadako. On se rappelle, aujourd'hui, on apprend quoi mettre dans quelle poche du sac à dos. Pour que le poids soit vraiment stable. L'univers de Sadako. C'était rempli d'inside cette session-là. C'est quelqu'un qui écoute pas Assemblage requis jamais a compris, genre, même pas le quart des blagues, je pense. Il y avait tellement de références à des titres de chroniques puis à des affaires comme ça, c'est dur à comprendre. Et c'est dur à comprendre aussi certaines blagues que je fais parce qu'elles sont tellement mauvaises. Il faut vraiment que tu les analyses longtemps avant de dire « Ah, c'était ça la blague! » Ça devient pas drôle. Mais au moins, t'as compris, tu sais pourquoi je l'ai fait, tu peux commencer à penser comme moi, puis peut-être toi aussi en faire des mauvaises blagues dans la vie. C'est un objectif à avoir ou à ne pas avoir. Encore. Donc, Assemblage requis, c'est du lundi au jeudi, entre 7h et 9h, avec moi-même et François-Olivier Marchand, ou devrais-je dire, pour être poli, François-Olivier Marchand ainsi que moi-même. T'sais, et moi, t'sais, je devrais mettre en deuxième, parce que sinon, ça fait fort. Là, puis je devrais pas me vanter de ça. En fait, j'ai honte de la plupart des choses qu'il y avait dans ce bloc-là. C'est dit. Prochain bloc, on va aller au 15e et 16e place. Plus tard, il y aura Galaxy, The Ludies et Gaslight Anthem. On débute avec Ariane Moffat. Voici la pluie et le beau temps. Ah, c'est fou. Partez les wipers. Wipers, ils essuient glace. Faut tout traduire. Hein? La pluie et le beau temps. C'est pas banal. On n'en parle jamais trop. Non. Regarde comme il fait beau. Ressens comme il fait bon. Il traverse la fenêtre du ciel jusqu'à ma tête. Ses effets collatéraux sur mon humeur et sur ma peau. J'en rêve. On ne parle jamais trop de la température. On ne parle jamais trop de la sur les êtres et sur leurs mots. J'en rêve. Mon corps reste et ma

C'était The Juggler par The Ludies, position numéro 15, qui monte de 5 places. C'était nouveau la semaine passée, et c'est tellement bon. Avant, on a entendu Galaxy avec Jusqu'à la fin, qui, elle, chute de 11 places, 6e semaine de présence pour cette pièce de l'album Tigre et Diesel. C'est la fin de la première heure. On se retrouve dans quelques minutes avec Louis-Jean Cormier, La descente du coude et Passion Pit au Palmarès C'est fou. Restez avec nous. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. C'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 8 au 14 octobre 2012. Je m'appelle Mathieu Plante et je suis seul aujourd'hui. Alexandra sera de retour la semaine prochaine. Donc, dans cette deuxième heure, vous aurez remarqué, si vous suivez un petit peu, qu'on était rendu aux positions numéro 15 avant la fin de la première heure, ce qui veut dire qu'on a le quart du palmarès de fait dans le tiers du temps qu'on a pour faire les palmarès. Donc, on va un petit peu accélérer la cadence, OK? On va sauter par-dessus The Hives en 13e position anglo. On va entendre, par contre, La descente du coude et Passion Pit. On débute en 14e franco. Voici Louis-Jean Cormier et son extrait Cassette. Chaussez-vous dans vos oreilles. Par la cassette. Pain supplé, mais... La la la la. numéro 14. Au niveau de la mer, se tendait la ligne de la par semaine, je place au rêve d'un effet domestique qui se serait pris à soulager ses peines sur la console qui tous les jours fait écran. 35 heures par semaine, je place au rêve d'un effet domestique qui se serait pris à soulager ses peines sur la console qui tous les jours fait écran. 35 heures par semaine, je place au rêve. La descente du coude et Instinct domestique monte de 5 places en 13e position. Franco, avançant de sauter par-dessus. En fait, après, on aurait entendu. On n'entendra pas. Mathieu avec... c'est The Hives avec Wait a Minute qui monte d'une place. Avant ça, on a entendu Passion Pit et Take a Walk qui descend de 2 places. 7e semaine de présence. On a débuté avec Louis-Jean Cormier et Cassette qui était nouvelle la semaine passée. Et là, qui monte de la 19e place. Hein? 5 places. Merveilleux. On y va tout de suite avec un autre bloc 3 quarts, donc on va sauter par-dessus. Malheureusement, Metric, qui est là depuis 10 semaines, donc il faut la sauter, même si c'était numéro 1 la semaine passée. On va entendre Dumas, ainsi que The Darkness, mais on débute avec Danny Placard, qui monte une, voici Graisse de Bin. Au palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Et ça se passe seulement ici, à C'est fou. Incroyable, aucune autre émission s'appelle Les Palmarès, c'est fou nulle part. Les Palmarès, oui. Du café, pas moyen de rester réveillé. J'ai les deux yeux dans la graisse de bin, y'a un paquet de vieilles angoisses qui me spin dans ta tête. Vers 3h15, j'entends le même vieux cadran sonner. J'ai pas trop le goût de faire le party, mais une chose est sûre, je pense fort à toi. Pas moyen de rester réveillé. Pas moyen de rester réveillé. Je me forcerai pour te regarder. Thank you. numéro 12. Dis-moi Dumas est l'heure et l'endroit. Position 11, stable du côté franco. Avançant, on a sauté par-dessus Metric, l'ancien numéro 1. Malheureusement, qui chute quand même de 10 places. Youth Without Youth. Avançant, on a eu The Darkness avec Everybody Have a Good Time qui monte une place. Et on a débuté tout ça avec Danny Placard et Grace Dubin qui monte une aussi. Voilà. Alors, on va faire la même chose qu'on a fait depuis les deux derniers blocs, oui. C'est-à-dire des blocs trois quarts. Donc, on saute une pièce à toutes les quatre pour l'instant. C'est ce qu'on fait pour essayer de se rattraper un petit peu dans le temps. Il va y avoir du Madame Moustache là-dedans. Il y aura aussi Band of Skulls, mais on débute en 10e place. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. Ça monte de 9 places. Oui, voici Skyfish de Biobazar au 89 FM. C'est fou. Et puis, c'est des palmarès. C'est fou, ça. C'est l'émission de palmarès. Mais assez fou, tu sais. C'est pour ça. Maintenant, vous le savez.

Madame Moustache et Maison Mobile, position numéro 9, ça descend de 7 places. Miam, miam, miam. Avant ça, on a sauté par-dessus Parler et Holding On to Something qui montait d'une place. Avant ça, c'était les dixièmes du côté anglo, Bad of Scars avec You're Not Pretty But You Got It Going On qui monte une. Et Bio Bazaar au tout début avec Skyfish qui monte de 7 places. Celle-là était nouvelle la semaine passée. Skyfish Radio Edit. Va falloir qu'on se permette la version complète, mais à assemblage requis. Oui. Donc, on y va avec un autre bloc où on saute une pièce. Hein. C'est comme du saute-mouton, cette affaire-là. On joue 3 pièces sur 4. On va sauter par-dessus Trio, malheureusement, avec Greenwashing qui descend de 5 places. On va avoir Noem et Foxy Shazam plus tard. Par contre, on débute avec Grizzly Bear en 8e. Voici Sleeping Ute. Sur Sifu. Bonnes oreilles. Endormez-vous pas, c'est comme si ça s'appelle Sleeping Ute qu'on dort. Yeah. and I can't help myself. numéro 7. Merci Shazam et la pièce Last Chance at Love qui monte d'une place en 7e position anglophone. Et avant ça, du côté francophone, qu'est-ce que c'était déjà? À la 7e position, nous avons entendu Mon espace de Noël tiré de l'album Petit Apocalypse. Mm-hmm. Et avant ça, on a entendu du côté anglo Grizzly Bear avec Sleeping Mute qui monte d'une place et on a sauté par-dessus la 8e francophone qui était... Alors, t'as pas sauté Greenwashing de Trio? Désolé, m'en voilà désolé. Pas grave, tu les verras live pour compenser. Exactement. Ils sont très bons, je les ai vus live, puis ils font même. Ils blastent même Julie Snyder, c'est jouissif. Arrête donc! Oui. La belle Julie Snyder qui est tellement talentueuse, là. Ben, talentueuse, mais c'est drôle des fois. Ça peut être très, très drôle. Ben oui. J'approuve. Je t'aime, Julie. Oui. Julie. Yes. Julie. Donc, la voix que vous avez entendue là et qui n'a pas été annoncée avant et que là, je vous amène ça par surprise, c'est David Ferron. Salut tout le monde, ça va bien? Ça va? Toi, ça va? Oui, je trouvais que c'est ça. T'es super bon avec un micro, mais je voulais t'accompagner. Ton micro et oui, toi. La forme du micro, elle me va à merveille. C'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, je dirais pas à ce point-là, mais... Non, c'est ça. David Ferron va faire sa chronique tantôt. Branché sur le monde. Genre, c'est quelque chose comme ça? Quelque chose comme ça. On n'a pas encore d'indicatif musical, non. Mais branché le monde. Branché en fait, le monde, oui. Oui, pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de, dans mes chroniques, en fait, la chronique... La langue dans ton oreille que je passe à tous les mardis 8h30 sur les ondes de C'est vous 89.1 FM dans le cadre d'assemblage requis. Mais ce que je fais, c'est que je plug souvent les émissions où je plug souvent les animateurs des émissions de C'est Fou. T'es fin comme ça, mais ça, c'est apprécié, on aime beaucoup ça. Et là, t'étais pas là ce mardi, cette semaine, c'est spécial, tu vas de retour mardi prochain. Ben oui, à moins que je me fasse tuer par un caribou ou que 728 m'aime un peu trop. 728? Ah, c'est la policière! Oui. J'ai appris ça aujourd'hui, j'étais comme super en retard. Bizarre comme attitude, mais en tout cas, c'est pas grave. Peut-être que 728 est quelqu'un qui aime donner des fleurs dans la vraie vie à des grenouilles. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un fond intérieur, mais quand elle devient policière, elle toute sa rage intérieure sort. Mais... C'est comme le Hulk, là. Ouais, quand c'est elle ça. Porte son habit de police. Ouais. Alors que je suis sûr qu'elle aime bien ça, regarder les reprises des années 40 de Lassie en flanelle. Lassie! Ça sort d'où, ça, Lassie? Dans ma tête, tant voyons. Mieux! C'est une belle place, tu sais. On s'entend oui. Là-dessus. Moi, ma tête est un petit peu bizarre dedans, des fois. Il y a comme des genres de marécages. Donc, ça pour dire qu'on vient d'entendre les septièmes. Ça veut dire qu'on est rendu au sixième. On va terminer cette heure-ci avec les sixièmes places. Du côté anglophone, ce sera PS I Love You avec Sentimental Dishes qui monte de une. On va l'entendre le côté franco en premier. Arrange-toi avec ça de Bernard Adamus, tiré de son album numéro 2. Et on vient avec la chronique de David Perron tout à l'heure. Restez là. Yeah. Du monde qui donne d'autres qu'à soi. Il y a du monde qui te vole d'autres en douai. Du monde c'est le même cours après le samedi. D'autres ont bien la peine qu'ils servent. J'ai pour mon dire que les poches bien pleines. Quand ils regardent pas, ils vident les tiennes. Hey, j'ai oublié de te le dire qu'on revenait. Allô? Apocalypse! On vient d'entendre P.S. I Love You avec Sentimental Dishes qui monte d'une place en sixième anglophone. Avant ça, on a entendu la sixième franco. Wow, quelle est-elle? Ça s'appelle Arrange-toi avec ça de Bernard Adamus, tiré de son album. Deuxième album, numéro 2. Oh, que oui, numéro 2, je sais pas si c'est voulu parce que c'est tellement brun ces affaires, puis après ça, numéro 2, il y a comme, je pense que c'est voulu. Là. C'est comme Two Shades, Two Different Shades of Brown. Oui, sauf que c'est pas aussi excitant, je pense. Restez à l'écoute au retour, Atomic Baobab, Jack White et la chronique de David Ferron s'en vient pour vrai. Yay! Restez là! C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Bon retour, c'est la troisième heure des palmarès C'est fou pour la semaine du 8 au 14 octobre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est David Ferron. Oui, David Ferron, en remplacement d'Alexandra Carignan cette semaine seulement, en primeur. Mais ça fait des grands souliers à chaussée, ça. Ben, d'après moi, ils sont petits, ces souliers. Mais ils ont beaucoup de valeur, tu sais. Oui, c'est des souliers chers. Oui, dans ce sens-là, mais pas juste ça, parce que Alexandra, c'est quand même une très bonne co-animatrice. Une fille de talent. Oui. De tous les talents. Voilà. Oui, un rien lui est si bien à son pied. Ah, c'est beau, hein? On la complimente tellement qu'à un moment donné, elle va revenir, puis elle va... Mais ta tête passera plus dans la pas. Ben non, je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un, en plus d'être excellente, qui est très rationnelle et... Humble. Mais moi, ben, je vais essayer de faire ce que je peux, là, en tout cas. Ah, ben, Colin, là, t'es super bon, toi aussi, David, là. Merci. Ça t'enlève rien, tu sais. Merci. Rien. Bon. Alors, on va continuer avec les cinquièmes positions. Et après ça, on revient avec la chronique. Tu sais, on n'arrête pas de la pimper, de l'agacer. Comment ça s'en vient, ça s'en vient. Mais c'était juste après ces cinquièmes positions-là. Du côté anglophone, il y aura Jack White et I'm Shaking qui est stable. Et dans le décompte francophone, nous allons écouter Atomic Baobab avec Le View Master tiré de l'album Le View Master. On les aime, Atomic Baobab. Ils sont locaux. Yes. D'ici. Ça fait du bien des groupes créatifs de la Mauricie, de Trois-Rivières en particulier. Ça fait du bien. Puis ça montre qu'il n'y a pas juste Ingrid Saint-Pierre, ni Caïman Fou. Exactement. Puis encore une fois, ça leur enlève rien à eux non plus. Non, parce qu'ils sont très bons. Ils sont bons. Ils sont nombreux, les groupes de Trois-Rivières qui ont du talent. Tant mieux. Tant mieux. C'est les palmarès, c'est fou. Yes. We'll be right back. numéro 5. That I wobbled in my pocket and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts a doing that Saint Rita dance and I'm dancing. Yeah. Oh, and I'm shaking. Early in the morning time, late in the middle of the night. Whenever this chill comes over. And your feet run cold. I got fever. Yeah, fever, yeah, I'm run for sure. I feel like I've been run right through the mill. And I can't move around and I can't stand still. I'm so diddly. You got me shaking. I'm so jittery. That's right, you got me shaking. The wind shakes the leaves on a tree. And I'm a nervous wreck and I'm all shook up. And that's what you're doing to me right now. And I'm jumping. That's right, you got me shaking. Jack White et I'm Shaking Stable en cinquième position anglophone. Et en cinquième francophone, c'était le Viewmaster avec un groupe local Atomic Baobab tiré de l'album, justement, le Viewmaster. Mm-hmm. Dans quelques minutes, on entendra Tremblay et Hot Panda, mais avant ça, je pense qu'on va devoir se mettre dans le bain. Ouais. Pour une chronique toute fraîche. Oui, plongeons-nous. Plongeons-nous. Oui. À plouche. Pish! Branchez le monde! Wow! David Perron! Mais bonjour, Mathieu Plante! Bonjour, officiellement, oui, Plante! Oui, ça fait... présentation super sur les P. Oui, c'est ça, c'est pas pire. C'est pas pire. Oui, même c'est... la chanson, on dirait qu'il fait des bruits de... Ouais, hein? De bouche, de... Oui. Sur les joues. Mais c'est ça, quand on a vu la pochette de Noël, la pochette d'album de Noël de Martin Deschamps, on fait plein de sons dans notre tête. Est-ce qu'on décrit la pochette de l'album de Noël de Martin Deschamps? J'espère que les gens ne sont pas en train de souper. Non, au moins, ils la voient pas. On va seulement la décrire parce qu'à la radio, on peut pas la montrer. C'est malheureusement un des défauts de la radio. Malheureusement, pas dans ce cas-là. Non, pas dans ce cas-là. Donc, c'est fond blanc. Oui. Est-ce qu'il y a un cadrage autour de ça? Est-ce qu'il y a un petit cadre? C'est rouge, un petit cadre rouge. OK, parfait. Ouais. À l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on a dans le cadre rouge mince? On a un feuille de gui. Okay. Qui est en dessous des deux noms parce que c'est Martin Deschamps en collaboration de Vic Vogel. Puis là, on voit les deux photos avec un bonnet. Tu sais, ça a l'air anodin, mais c'est le résultat, le montage, comment ça a été fait. Paint, utilisé par une personne qui n'a pas tellement de talent en paint, parce que c'est possible de faire des belles choses dans paint. Ouais. Découpage approximatif autour des faces, et puis bel effet de genre de brillance là, autour de ça. Mais c'est ça, ça voulait rendre hommage à un album, à une pochette d'album de Bing Crosby, mais oui. Bing Crosby, c'est juste une qualité vintage. Oui, c'est ça, c'était très rétro. Je sais pas de quelle année ça datait. C'est là, mais... au moins dans les années 40-50 au moins. Ouais, c'est ça. Et non, la police était super belle dans cet album-là. Là, on dirait qu'ils ont comme voulu copier ça, mais en le faisant mal. Tant qu'à copier quelque chose, copie-le beau. T'sais? Ouais. Je sais pas, mais en tout cas, assez parlé de Martin Deschamps. Oui, on l'aime, mais pas ses pochettes. Non, on aime le chat de Jasmine Raymond-Drainville qui s'appelle aussi Martin Deschamps. Lui, on l'apprécie. Oui. Ouais. Ben, bonjour, le chat de Jasmine. Il est fin, son chat, je pense. Ah, ben, tant mieux. Bon, donc, Brancher le monde, qu'est-ce que c'est, David? Tu nous présentes ça une fois par mois au Pamarassif. Oui, en fait, c'est un artiste, un groupe. En fait, c'est une chronique musicale pour vous présenter les nouveautés de style davantage world beat. Parce que, oui, les chansons de Sifu sont excellentes et proposent des artistes émergents et prometteurs, c'est mais il n'y a pas beaucoup de world beat et je voulais essayer une fois par mois de pallier, en fait, d'agrémenter la playlist de Sifu pour que ce qui est déjà excellent le soit encore plus, ce soit un ajout, une contribution musicale extraordinaire de ma part. Une valeur ajoutée, ben oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle ça. Hein? Qu'est-ce que vous feriez sans moi? Je sais pas, je me demande, par exemple, mettons, quand t'es pas là une fois, c'est très rare parce que t'es un gars extrêmement fiable. Ah, oh, t'es fin. Je pense qu'on peut le dire. J'aime trop voir tes chandails, c'est pour ça. Merci. Aujourd'hui, il est un petit peu moins jeu vidéo que d'habitude. Ça doit te déstabiliser un petit peu. Hein? Ben, ça fait toujours Vintage Electives, mais c'est super beau. Mais ça. Ouais. T'es en train de chercher ta chanson, en passant. Ben, y a pas de problème. Pendant ce temps-là, ben, je vais la présenter. Eh bien, en fait, j'ai présenté d'abord le groupe. Je vais vous parler de Whoopa and the April Fishes. Whoopa Gundam Star. C'est ça que tu veux me présenter. Whoopa Gundam Star. Non? Hey! Sexy lady! Ça, c'est quand des grands-mères à la chambre, ça sonne comme ça, je pense. Mais non, en fait, c'est beaucoup plus de qualité parce que Rupa, qui est-elle? C'est Rupa Maria. C'est une Indienne d'origine qui a habité en France, donc qui a appris le français et qui a déménagé dans sa jeunesse en Californie. Donc, elle parle hindou, anglais, espagnol et français. Et dans ses albums, elle parle ces quatre langues-là. Elle chante ces quatre... En même temps? Ben, pas en même temps. C'est sûr que c'est impossible de faire quatre langues en même temps. Mais par exemple, elle a déjà sorti trois albums. Le premier... En fait, qui a lancé la carrière, si je peux dire ça comme ça, qui n'est pas un groupe super connu, mais qu'on a pu entendre sur les ondes de C'est Fou, comme un 9 FM. La meilleure radio ever. Oui, donc une bonne toune tirée du premier album qu'on appelle Extraordinary Rendition. Et c'était surtout francophone et est tirée justement une chanson qui s'appelle Maintenant, qui fait penser à Laza de Ceylan et qu'on a souvent écouté à C'est Fou cet été. C'est une toune qui jouait souvent le matin. Oui, OK, cool. Beaucoup. Donc, on la connaît pas nécessairement par le nom, mais par le son, oui. Et après ça, l'année suivante, en 2009, est sorti Este Mundo, qui est davantage espagnol. Et là, cette année, ils sortent Build, qui est surtout anglophone, mais il y a aussi encore... Ben, en fait, il y a une chanson francophone qui s'appelle Sur la route et... Il y a également de l'espagnol, de l'hindou, mais c'est surtout anglophone. Et d'où est-ce que c'est tiré? Ça vient d'où l'inspiration de cet album-là, du groupe de Rupa? C'est très simple. Il y a une partie... En fait, c'est très simple. L'album est divisé en deux. Il y a une partie, les dernières chansons qui sont plus lentes, qui est tirée de sa vie personnelle, d'une rupture amoureuse qui a été vraiment éprouvante. Mais, par contre, le bien que ça a tiré, selon Whoopa, c'est que ça lui a permis, seulement vu qu'elle était tellement blessée que là, elle était attentive au monde. Et là, pendant ce temps-là, bien, il y a eu le printemps arabe, il y a eu Occupy Wall Street, Occupy the World et tout Occupy, ça. Occupy si on double. Non, c'est pas... Ça occupe pas ben. Je pense pas que ça occupe les priorités de Whoopa. C'est sûr. Ben, c'est sûr qu'elle pourrait jouer là-dedans parce qu'elle est quand même jolie. Ah oui, bon. Elle est pas laide. Soudainement, là, tu m'amènes vraiment dans le vif du sujet. C'est ça que je voulais savoir, en fait. Oui, Whoopa, Mathieu, Whoopa. Donc, je suis sûr que vous allez bien vous entendre, mais par contre, elle est pas rousse. Non, c'est ça. C'est pas un critère absolu, ça. Ah, ben, c'est bon. Mais elle a l'air charmante. J'ai écouté en entrevue, puis elle a l'air vraiment d'une personne qui a l'air d'aimer ce qu'elle fait. En fait, Build, la deuxième partie, justement, la première partie de l'album qui est engagée, qui parle des préoccupations du monde, et il y a même, sur une photo, on voit Whoopa and the April Fishes, donc les cinq membres, avec des carrés rouges. Quand même, hein? Oui, un groupe californien dont tout le monde vient de partout dans le monde, qui s'intéresse au monde et qui fait comme, hey, waouh, j'en reviens pas, ils s'engagent à une cause, ils comprennent la cause, puis c'est bien. C'est pas comme l'espèce de démago à Lisiane Gagnon dans la presse. Ouais. Bonjour Lisiane, si jamais tu m'entends. C'est ça. Et au revoir. Oui, c'est ça. Lisiane ou Lisiane, je m'en rappelle plus. Je sais pas. Ou Lisiane. Lizzy. Lizzy. Ouais. Lizzy Gagnon. I love you when I don't read you. Ah, c'est méchant. Ouh. Je dors bien méchant aujourd'hui. T'es très éditorial. Oui. Tu t'emportes dans l'opinion. Ouais, mais faut que j'arrête. Je me ressens sur Whoopin. Restreins-toi. Oui. Whoopin, t'as appelé le fichesse en... En fait, j'ai une anecdote sur notre jolie Rupa Maria. Mm-hmm. Elle est médecin. Oh, hein? Oui, elle travaille en clinique en Californie. Donc, elle passe la moitié de son année à travailler comme médecin et l'autre en train de voyager partout dans le monde pour faire connaître sa musique, celle de Rupa et celle de son groupe. Mm-hmm. Donc, ce qu'on va entendre, c'est tiré justement de l'album Bread qui est sorti le 2 octobre, donc très récemment. Et on va entendre, en fait, le nom de la maison de disques que le groupe a fondée, c'est-à-dire Electric Gumbo Radio, qui rentre vraiment dans la tête. Et vous allez danser, si vous êtes en train de couper des légumes, ben vous allez danser avec votre couteau. Faites attention pour vous blesser. Oui, surtout pas. On espère qu'elle va jouer au complet cette fois-ci. On s'excuse. Oui, désolé. Lâche pas, t'es capable, chanson. Okay. Non, mais ils sont épuisés un peu. C'est quoi ça? C'est dans mes poches. Non, mais pour vrai, attends un peu, là. Marche pas, ça. Wow! Okay, ben, ce qu'on va faire, en attendant, est-ce qu'on a le temps pour deux chansons de Rupa? Ben, j'aimerais bien. C'est sûr qu'il faudrait peut-être les trouver avant. On va, on va écouter ta nouvelle intro. Oui. Ça te tente? On va écouter. Ben, on va écouter. Est-ce qu'on peut écouter les positions 4 du décompte? Si tu veux, oui, on y va avec les positions. En attendant, et là, après ça, on va pouvoir se détendre en écoutant... Electric Gumbo Radio après. On va vous arranger ça, vous allez voir, ça va fonctionner après. Donc, position numéro 4, tout à l'heure en anglophone, on aura Hop and avec Language. Et en francophone, nous allons avoir Marie Plastique de Tremblay, tiré de son album Ça va, ça va. De ton palmarès, c'est fou, c'est une petite intermède avant la pièce. Yes. On fait ça, on se calme un peu. Oui. Respirons. Les yeux des autres. Des filles comme ça, y en a toutes les sortes. Des beautés gâchées sur Photoshop. Qu'est-ce que tu prouves, à qui tu veux le prouver? Est-ce que tu trouves ou tu fais rien que chercher? Marie Plastique. Ton fer plat, tu travailles trop pour plaire. Moi t'as l'air plate, laisse donc tes cheveux se défaire. Marie t'es belle, pose ton sourire avant que ton visage se déchire. Marie Plastique. Marie

Et quatrième position, en anglophone, c'était Hot Panda avec Language qui est stable. Et en quatrième position, d'une montée de 5 positions, Mary Plastic de Tremblay tiré de l'album ça va, mais oui, ça va pour Tremblay, puisqu'il est dans le top 5 cette semaine. Félicitations, Manolo! Wouh! Manolo! Tout à l'heure, on aura Kid Kuna, Peter Peter, Mother Mother et The Neighborhood. Mais avant ça, pour ceux qui étaient avec nous tantôt, il y a 10 minutes environ, on était dans la chronique Brancher le monde avec David Perron. Notre groupe voulait pas jouer, était trop fatigué, j'imagine. On leur a donné un petit peu d'alcool. Oui. Ils sont prêts à jouer dans quelques secondes. Reparle-nous un petit peu de qu'est-ce qu'on va entendre. Ben, on va écouter une chanson du groupe américain Wuppa and the April Fishes appelée Electric Gumbo Radio, tirée de leur nouvel album Build. On écoute ça à l'instant. Branchez le monde dans les palmarès. C'était la chanson Electric Gumbo Radio de la part du groupe américain Wuppa and the April Fishes, tiré de leur album Build, qui vient tout juste de sortir et dont je vous conseille d'aller vous le procurer. Procurez-le, vous n'allez pas le regretter. C'est comme Windows 8 qui s'en vient. Achetez ça, plus vous Windows 8 plus Rupa, c'est sûr que c'est un choix stratégique. Windows 8, tu sais, mettons Rupa, Windows, non? Ah, ça va torcher, ça. Hey, ça va être génial. Rupa Gangnam Style, hein? Non. Tu vas pouvoir regarder ça, Gangnam Style, sur ton Windows 8, ça va être des tuiles, tu sais. Comme une salle de bain, pareil. Ouais, mais oui. Moi, je trippe sur le concept des tuiles. C'est, ben oui, c'est un genre, tu sais. Je me sens comme un chat qui met sa patte sur des écrans. Oui, en effet, ça ressemble en effet à pas mal de la litière puisqu'il y a dedans. Oui, c'est ça. Mais de la litière propre. Oui, avec du sang bon dedans qui sent donc bon. Hein, ça, c'est le parfum, une litière à parfum, c'est parfumé. Là. Non, j'haïs ça, je trouve ça dégueulasse. Windows 8 a beaucoup plus de classe. C'est comme... C'est partagé comme avis. Hein? Ouais, c'est sûr. Mais je pense que je suis le seul dans le monde qui aime ça, l'interface de Windows 8. Mais c'est pas grave. Ben, en tout cas, t'es dans un groupe select, hein, tu sais. Ah, ben, je suis content. Ben, t'aimes ça. T'es un gars qui aime l'alternative, tu sais. C'est pour ça que t'es assez fou. T'aimes l'alternative. Oui, puis c'est pour ça que j'aime les chandails de Mathieu Roy. Mathieu Plante. Mathieu Roy a des chandails seulement, mais moi, tu parles de moi, là? Ben non, je parlais de Mathieu Plante. Qui? Qui est le roi, Mathieu Plante. Le roi Mathieu Plante, oui, alors que Mathieu Roy est une plante, c'est ça? Non. Non? Parce que le roi Mathieu Plante, tout simplement. Mathieu Plante est un roi, donc Mathieu Roy est une plante. Laisse faire, tu sais. Oui, ça, on parlait de Mathieu Plante, là. Bon, hein, on s'emporte sur des banalités. Ben oui. On ne chicanera pas pour ça. Ben non. Ben non. David Ferron, chronique branchée Le Monde. Oui. Une fois par mois, quand ça la donne, ben dans nos horaires, c'est ça? C'est pas vraiment fixe, c'est pas le premier X du mois. Là, oui, puis dès qu'il y a une sortie d'album World Beat qui est vraiment bonne, je vous en fais part une fois par mois et vous allez voir, j'ai plein d'autres surprises. Qui sont dont le nouvel album de Salif Keita, mais on en a déjà joué. Fait que... C'est vrai, c'est ça. J'allais dire que t'avais des chats plein de ton sac, comme des surprises plein de... Oui. Des chats plein de ton sac. Oui. C'est ça? Mettons si on veut. Justement, parlant de ça, on t'écoute à la langue dans ton oreille. Ça, c'est à chaque semaine, les mardis. Ouais. À 8h30. Exactement, dans le cadre d'Assemblage requis, animé notamment par le roi Mathieu Plante et non moins royal François-Olivier Marchand à tous les matins, le lundi au jeudi de 7h à 9h. Il y a plein de chroniques intéressantes comme des chroniques de sport, culturelles, sur la vie judiciaire, sur la vie scolaire. Bref, écoutez ça, vous allez devenir beaucoup plus intelligent. Tout à fait, c'est ce qu'on dit. Et si je suis le roi d'Assemblage requis, est-ce que François ma reine, mon sujet ou ma princesse ou mon prince ou... Ben, on dit vice-roi, mais c'est parce vice-roi? Que je veux pas que le monde pense que c'est un roi vicieux. Non, c'est ça. Si je suis le roi, c'est mon chemin du roi, parce qu'il me guide vers le bon port. Hein, ah, c'est j'aime ça. C'est cute. Ouais. Okay. On est rendu aux positions numéro 3 et 2. On va entendre plus tard The Neighborhood, Mother Mother et Peter, mais on débute en troisième franco. Avec Tic Tac, avec Kate Kuhn a tiré du plaisir et des bombes, mais on va avoir une deuxième position autant explosif avec Peter, avec sa chanson Les Chemins étoilés, tiré de son album une version améliorée de la tristesse qui va nous mettre dans la joie. Oui, et ça, c'est au palmarès, c'est fou? Oui, sur les ondes de 89.1 FM. Oui. En Syrie, en Somalie, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. En Afghanistan, en Russie, en Chine, en Libye, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Au Liban, au Congo, au Pakistan, au Mali, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Europe, Amérique, Afrique, Asie, Océanie, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Toujours plus fort. On s'aime à la folie, vive le tic-tac, tic-tac. l'harmonie et je m'en fiche et je m'en fiche. Je t'aime à la folie et vive le tic-tac, tic-tac. La guerre en après-midi, fuck les réa, fuck les cellules. Je t'aime à la folie et vive le tic-tac, tic-tac. Redonne-moi une nuit et une autre shot de whisky. Je t'aime à la folie, vive le tic-tac, tic-tac. Numéro 3. Retour, Peter Peter, The Neighborhood et nos numéros 1 au Palmarès C'est Fou. Restez avec nous. For me, I'm thinking they'll know. The Neighborhood et Female Robbery qui montent d'une place en deuxième anglophone sur l'album I'm Sorry. En fait, c'est un maxi, pas un album complet. Avant ça, du côté franco, c'était Peter Peter et Les Chemins Étoilés qui montaient de 3. On a aussi entendu Keith Kuna qui monte de 7 places et Mother Mother qui monte de 3 avec Businessman. Alors, on a quelques petites affaires à faire avant la fin de l'émission. On va se dépêcher, on commence à manquer de temps. On va faire ce qui se passe ailleurs dans les palmarès parce que les palmarès de C'est Fou, c'est pas seulement le top 20 franco et le top 20 anglo. C'est aussi le top 30 des albums qui contient une nouvelle entrée en 21e place. Hannah Georges qu'on a entendu en début d'émission avec l'album homonyme. En troisième, c'est stable The Neighborhood et I'm Sorry qu'on vient d'entendre. En deuxième, l'ancien numéro 1 Metric avec Synthetica et en première Stars avec The North. Ça vous donne un bon indice des numéros 1 cette semaine. Top 3 des disques canadiens, troisième place Mother Mother, deuxième Metric et première Stars. Dans le top 10 électronique, 3 nouvelles entrées. Enfin, des nouvelles entrées dans le top électronique, ça faisait longtemps. En 8e place, Bear in Heaven avec I Love You, It's Cool. En 4e, Dan Deacon et America. Et en 3e, How Job avec New World March, The Remixes. En 2e position, c'est stable, The Invisible avec Rispa. Et en 1e, 12e semaine de présence pour Blue Foundation, qui est stable donc en 1e avec In My Mind, I Am Free. Et vous pouvez entendre le top 10 électronique dans l'émission Le Vestibule les samedis soirs à 21h. Top 10 Loud, 2 nouvelles entrées, 8e, Witchcraft et Legend. En 3e, MC Ferrum avec Unsung Heroes. 2e place, ça monte de 1, Texas EP Coalition et Peacemaker. Et en 1e, ça monte de 1, 3e semaine pour Devin Townsend et Epicloud. Epicloud, voilà. On retourne dans le top franco et anglo pour les positions numéro 1. Et vous savez, numéro 1 veut dire jeu de mots. C'est ce que j'ai beau dire qu'il reste juste... Ouais. Que je vais juste me promener sur une licorne, comme dit le gars derrière moi. Non, comme je disais, il reste très peu de temps à l'émission, mais le temps, c'est relatif, ça. T'sais, si je fais des jeux de mots poche, mettons, la théorie veut que le temps va paraître beaucoup plus long. Tu comprends? C'est comme très, très long. C'est comme la théorie de la relativité qui dit ça. J'ai lu ça dans Les Étoiles, je pense. Hein? Ou encore, j'ai la tête dans Les Étoiles. Ou encore, les jeux de mots, c'est comme piler sur une roche. Tu sais, quand t'as les pieds nus, que t'es dehors, tu piles sur une roche. Ben, mes jeux de mots, ça donne à peu près cette sensation-là. Donc, si vous avez compris, on va entendre du côté anglophone Stars avec The Theory of Relativity. Mais on va débuter avec Chinatown. Voici Vivre les pieds nus qui monte de 11 places. On écoute ça tout de suite et on revient se dire au revoir juste après. Vous êtes au palmarès, c'est fou. Carabine sur la cuisse d'une actrice. ou bien rester. Au loin, le train roule, le rouvrier se glisse. Le requiem pour la viande en canne. J'ai des visions de chevaux dans ma tête ronde qui voulaient vivre les pieds nus à la. Et en première position. Well, the only way I see this happening is in an extended ride north. Thank you. position numéro 1, on vient d'entendre Stars avec The Theory of Relativity qui monte de 1 et Chinatown qui monte de 11 avec Vivre les pieds nus. On se quitte avec un extrait de The Hives qu'on a sauté plus tôt dans l'émission, c'est-à-dire la position numéro 13. Wait a minute. Mais avant ça, on se rappelle qu'on se retrouve jeudi prochain. Jeudi prochain entre 15h et 18h. Dans quelques instants, ce sera la première de Soirée au coin du feu avec Mathieu Roy, l'émission sur les discussions de l'étudiante. Vie étudiante, c'est toujours intéressant. On repasse les vendredis entre 17h et 20h. Et c'est là pour Skype Unka avec le camarade B. Et les lundis entre 14h et 17h. À 18h, ce sera le boudoir avec Alexandra Carignan, que je remercie, même si elle n'a pas participé à l'émission d'aujourd'hui. On la retrouve la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir été là. Merci à David Ferron aussi d'être venu. Et puis, c'est ça. À la semaine prochaine. Tout de suite, The Hives. Bye bye.